Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Et Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, chers amis, si vous avez écouté l'émission d'hier, je l'espère, eh bien, vous vous souvenez peut-être que j'ai ouvert l'émission avec la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir avec la Passion selon Saint Jean. Bah oui, parce que ce sont quand même des œuvres de circonstance à quelques heures de Pâques. Passion selon Saint Jean, c'est la première des passions composées par Bach. Il a laissé quatre passions, mais deux seulement sont parvenues dans leur intégralité jusqu'à nous. La troisième, selon Saint-Luc, est parvenue de façon fragmentaire, et encore, on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment de Jean-Sébastien Bach lui-même, même si le manuscrit porte son écriture. Et puis, il y en a une qui a complètement disparu. Mais c'est vrai que ce sont des œuvres qui étaient essentielles chez Jean-Sébastien Bach, parce qu'il a donné à ses passions un côté un peu théâtral qui peut-être aurait pu heurter, mais non. Ça alterne les récitatifs, les arias. Ce sont des œuvres absolument géniales, vraiment le sommet de l'œuvre de Bach, qui elle-même est un sommet. Donc on va en écouter le début, le chœur d'entrée, avec l'orchestre du Brandenburg Consort, le chœur du King's College de Cambridge, dirigé par Stephen Clubbery. Thank you. le chœur d'entrée de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach avec le chœur du King's College de Cambridge, The Bornburg Consort, direction Stephen Crabbery. Et on continue avec un peu de guitare. Fernando Sor, c'est un compositeur espagnol. Il est né en 1778, il est mort en 1839. Il a composé un peu dans tous les genres, mais il est connu surtout pour ses pièces pour guitare. Il a composé des opéras, des ballets, La Foire de Smyrne, Le Seigneur Généreux, L'Amant Peintre, par exemple, et surtout Cendrillon, qui a déchaîné des applaudissements du public anglais lors de sa création. Et finalement, aujourd'hui, on joue assez peu sa musique, peut-être. Faudrait-il redécouvrir toutes les œuvres de Sor, Fernando Sor, ses ballets, sa musique symphonique, que je ne connais pas à titre personnel. Hein. On va écouter une pièce pour guitare, donc l'une des études de Fernando Sor, jouée à la guitare par Jeffrey McFadden. Étude opus 29, la numéro 13 de Fernando Sor, joué par Jeffrey McFadden. Un peu de Schumann et une pièce qui, je trouve, n'est pas sans similitude avec ce que l'on vient d'écouter, l'intermezzo du Carnaval de Vienne. Alors, ce Carnaval de Vienne, il est en plusieurs mouvements et il y a même un mouvement où Schumann cite la Marseillaise. Bon, à l'époque où il a composé cette œuvre, dans les années 1830-1840, on ne peut pas dire que la Marseillaise était la bienvenue dans les États dirigés par l'Autriche-Hongrie, enfin l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne. Donc, c'est peut-être un sentiment républicain qu'a eu Schumann lorsqu'il a composé ce carnaval de Vienne, qui n'évoque absolument pas la ville de Vienne. Hein. Il n'y a rien de descriptif dans ce carnaval. On va écouter cette page très célèbre, l'intermezzo, joué au piano par Vassili Varvaressos. Thank you. discothèque classique, votre rendez-vous classique le samedi et dimanche sur Radio Fadjet. C'était l'intermezzo du Carnaval de Vienne de Schumann, interprété par Vassili Varvaressos. Arrigo Boito, c'est un nom qui vous dit quelque chose ? Ah oui, parce que c'est un auteur de livrets d'opéra. C'est lui qui a écrit les livrets des deux derniers opéras de Verdi, Otello et Falstaff. Et c'est lui qui avait aussi aidé, qui avait participé à la révision de Simon Boccanegra, du livret de Simon Boccanegra, autre opéra de Verdi. Il a travaillé aussi avec Ponchielli pour la Gioconda, mais il était aussi compositeur. Et l'opéra le plus célèbre de Boito, même son œuvre la plus célèbre, ça, c'est Méphistophélé, évidemment, inspiré du personnage de Faust. On va en écouter un extrait avec la voix de Brinterfell. Et l'orchestre de la radio suédoise est dirigé par Paul Daniel. E atmosfera mia vital, ciò che chiamasi peccato, morte e mal, rifitto e vento questa sillaba. Poco andrà la sua tenzon, ve sul sole sulla terra, distrazione, ripito e vento questa sillaba. Étonnant les sifflets hein, dans cet extrait de Méphistophélé d'Arrigo Boito, la voix extraordinaire de Brinterfell, très très vivante, ses interprétations vivantes, ses interprétations de Brinterfell, avec l'orchestre de la radio suédoise dirigé par Paul Daniel. Et on continue notre magazine classique sur Fadjet avec Albinoni. Alors Albinoni, l'adagio, bah non, c'est pas d'Albinoni, c'est de Remo Giazzotto, un musicologue et compositeur italien du XXe siècle qui a retrouvé une ligne de basse continue qu'il a attribué à Albinoni et il en a fait cet adagio très célèbre qui n'est donc qu'un pastiche. Est-ce pour autant que la réputation d'excellent compositeur d'Albinoni est usurpée? Pas du tout, parce que Albinoni fut un compositeur vénitien très célèbre en son temps, très apprécié, peut-être même plus encore que Vivaldi. Il avait eu la chance d'hériter d'une entreprise de cartes à jouer, donc il était à l'abri des besoins financiers, il pouvait composer sans contrainte matérielle. Il s'en est pas privé, il a laissé des opéras, beaucoup de pages instrumentales, et donc un compositeur né et mort à Venise. On va écouter un peu de sa musique avec l'Allegro non presto de son concerto pour hautbois, cordes et clavecin, opus 9, numéro 2, interprété donc par l'ensemble interprétati. C'est l'ensemble, je vais retrouver son nom, Interpreti Veneziani, voilà. Concerto pour hautbois, opus 9, numéro 2, d'Albinoni, avec au hautbois Gianfranco Bartolatto et l'ensemble Interpreti Veneziani. Ils sont bien, hein, ces musiciens vénitiens. Et on continue notre émission discothèque classique avec une nouveauté, un disque qui vient de paraître chez Indécence Records et qui nous propose des œuvres jouées à quatre mains, pour piano à quatre mains, avec Audrey Lonca Alberto et Paolo Rigutto, le fils évidemment du célèbre Bruno Rigutto. Alors sur ce disque, on trouvera la fanfare pour l'éventail de Jeanne de Ravel, Un Américain à Paris de George Gershwin, la valse de Ravel, des préludes de Gershwin et la Rhapsodie in Blue, et puis La Pavane pour une infante défunte, l'une des premières œuvres appréciées de Maurice Ravel, composée lorsqu'il était encore bien jeune. Et comme c'est souvent le cas, eh bien Ravel commence à composer pour le piano et plus tard il orchestre. Ce sera le cas donc avec cette Pavane pour une infante défunte, titre magnifique en allitération. On va écouter cette œuvre jouée donc dans une version pour piano à quatre mains avec ce duo Andrei Lonca Alberto et Paolo Rigutto, magnifique disque publié par Indécence Records. Thank you. Alors, si vous avez la version originale pour piano donc de cette pavane pour une infante défunte de Ravel dans l'oreille, si vous avez cette version dans l'oreille, version originale, bien vous noterez peut-être qu'il y a un peu plus de perspective dans cette version pour piano à quatre mains. C'était le duo Audrey Lonca Alberto, Paolo Rigutto, extrait de leur disque publié par Indécence Records. Josef Souk maintenant, c'est un compositeur tchèque, il est né en 1874, mort en 1935. C'était le gendre de Dvorak, et oui, Dvorak était son maître, et puis il avait épousé la fille de son maître, Ottilie. Et petit à petit, il s'est quand même bien dégagé du style de Dvorak, encore que sa musique est toujours teintée, lui aussi, comme chez Dvorak, pour lui aussi, de musique du terroir de la République tchèque. Voici une œuvre que j'adore, très inspirée, avec des thèmes magnifiques. C'est son Scherzo fantastique, je vous en propose un extrait, avec l'orchestre philharmonique tchèque, dirigé par Sir Charles Mackeras, qui était un chef australien spécialisé sur la musique tchèque. Thank you. Un extrait du scherzo fantastique de Joseph Souk avec l'orchestre philharmonique tchèque que dirigeait Sir Charles Mackeras. Et continuons notre émission classique sur Radio Fadjet, discothèque classique jusqu'à midi, avec la passion selon Saint-Jean. Alors tout à l'heure, je vous ai proposé le chœur d'entrée. Voici un aria tiré de cette œuvre magnifique, BWV 245, il faut toujours être précis. C'est le numéro de catalogue de cette passion selon Saint-Jean, de catalogue de Bach. Et on va écouter un extrait chanté par Catherine Bott, magnifique soprano anglaise. Et puis The Brandenburg Consort est dirigé par Stephen Clubbery. La passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach dans Discothèque Classique aujourd'hui avec la voix de Catherine Bott, soprano, et puis The Brandenburg Consort dirigé par Stephen Clubbery. On va continuer avec un disque paru récemment qui est un disque presque de jazz, enfin c'est un disque qui mélange la musique classique et le jazz, publié chez Channel Classics avec la pianiste Anna Fedorova, qui nous propose au programme de cet album le concerto en sol de Maurice Ravel, la Rhapsodie in Blue de Gershwin, les trois préludes pour piano de Gershwin, du Germaine Taillefer, et puis des compositeurs beaucoup moins connus comme Andrew Blickenfelder et Miroslav Skorić, et puis une improvisation sur une chanson de Barbara signée Anna Fedorova. Donc un disque un peu fourre-tout, mais très très agréable à écouter. Extrait de cet album, j'ai eu envie de passer la valse de la cinquième partita de Miroslav Skorić, compositeur né en 1938, mort en 2020, et c'est joué donc par Anna Fedorova, extrait de son disque paru chez Channel Classics, qui s'appelle tout simplement « Liberté ». La valse tirée de la cinquième partita de Miroslav Skorik, interprété au piano par Anna Fedorova, extrait de son disque paru chez Channel Classics. On va retrouver Brinterfeld, tout à l'heure on l'a écouté dans Arrigo Boito, le rôle de Méphistophélé. Et voici maintenant l'opéra qu'il a peut-être le plus chanté, c'est Don Giovanni de Mozart. Et dans un disque paru il y a quelques années où il interprétait un florilège de mauvais garçons, le disque s'intitulait d'ailleurs Bad Boys, eh bien, il avait réuni tous les méchants dans un seul et même disque, et il avait réussi une performance parce qu'il avait chanté les trois rôles. Évidemment, ça avait été enregistré sur des pistes différentes, et puis ensuite on avait fait un fondu. Donc il chante à la fois le rôle de Leporello, qu'il a souvent chanté, Don Giovanni et le commandeur. Voici la scène donc du commandeur, dite du commandeur, tirée de Don Giovanni de Mozart, avec Brinterfeld, l'orchestre de la radio suédoise est dirigé par Paul Daniel. Padron, siamo tutti morti. Vanne dica! Thank you. Cristo mai. Pentiti, cangiali, l'ultimo tempo. No, che io non mi pento, vanne lontan da me. Pentiti, scellerato, o vecchio infatuato. Salir gli spiriti quando escono quei vortici di fuoco pieno orror. La scène dite du commandeur de Don Giovanni de Mozart avec Brinterfell qui chantait les trois rôles, le commandeur, Don Giovanni et les Porello, le chœur et orchestre de la radio suédoise, direction Paul Daniel. Et comme Brinterfell a chanté la 8e symphonie de Mahler, en voici un extrait, la conclusion du premier mouvement Veni Creator Spiritus sous la direction de Sir Georg Scholti à la tête de l'orchestre symphonique de Chicago et du Wiener Singverein. Thank you. extrait de la symphonie numéro 8 d'Émile de Gustav Mahler avec le chœur du Singverein de Vienne, l'orchestre symphonique de Chicago, direction Sir Georg Scholti. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, pour ce samedi dimanche. On se retrouve bien sûr et bien la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Bon dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.